Voici votre plus récent bulletin d'information, le sport local et régional, au microphone Danny Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional. C'est très tranquille ce matin. On va vous parler de la Ligue de baseball senior. C'était le premier match de la série hier et victoire des Braves de Jonquière qui ont gagné 11-10 contre les Jays de Saint-Honoré. Les Jays menaient 8-0 après deux manches. Le lanceur gagnant était Mario Gagnon et le lanceur perdant Kevin Tremblay. Donc, le deuxième match aura lieu jeudi. Maintenant, on va parler que dans la victoire de 33-9 des Cougars de Chicoutimi contre les Pionniers de Rimouski, Alexandre Voisine, le jeune carrière, a réussi une course de 30 verges. On va essayer d'avoir des statistiques de nos joueurs ce qui a trait le football collégial. Maintenant, hier, dans la section entrevue de danadosport.com, on a parlé avec Victor Véro. Victor Véro qui a mis fin à sa saison avec une très belle saison. Il a terminé en deuxième position. Et son fascinant de l'année, ça a certainement été son voyage au championnat du monde junior en République tchèque. En section, on a vu que c'était comme ouvert. Là, on a misé là-dessus, puis en section, on a réussi à l'avoir. Et ça a été la plus grosse expérience. OK. Victor Véro va nous parler de sa préparation hivernale. Présentement, là, j'ai comme un bon petit break, là, quand même, quasiment un mois, deux mois, là, jusqu'environ là, dans le temps des fêtes. Là, on va commencer à s'en aller un peu pour peut-être faire des camps sud. Puis après ça, on va sûrement avoir un voyage en Europe au début de la saison. OK. Puis c'est sûr que je vise encore les mêmes courses, simplement les mêmes courses que l'an passé, là, les championnats québécois, les championnats canadiens, puis les championnats du monde aussi. Là, OK. Et le camp d'entraînement des Marquis de Jonquière va s'ouvrir en fin de semaine. Et on a su une belle nouvelle, c'est que Simon Tremblay de Dolbeau-Missassigny va participer à ce camp des Marquis de Jonquière. Il y a plusieurs joueurs régionaux qui vont faire partie d'équipe. Entre autres, il y aura Christian Ouellette de Saint-Bruno qui va faire partie également de ce camp d'entraînement. De même que Jean-Simon Allard et plusieurs autres joueurs de la région. J'invite à écouter la section entrevue de danadosport.com. Hier, on a parlé avec Joseph Pelly de l'organisation des Blue Jays de Toronto. On voulait savoir comment ça va les troupes, chez le moral chez les Blue Jays. On parle également avec Victor Véro et on a également parlé avec France Gagné qui a participé aux Jeux paralympiques à 4 reprises. France Gagné qui est de l'Ascension. Il vient nous parler du courage que ça prend pour un athlète paralympique pour se rendre à son rêve. Le sport local et régional à danadosport.com.